Hallelujah. Hallelujah. Today I'm looking at deeper insight. Et aujourd'hui, je suis en train de regarder un aperçu plus profond. The deeper message, the deeper revelation. Un message plus profond, une révélation plus profonde. That the Lord embedded. Que le Seigneur a intégré. In three main conversations. Dans trois conversations importantes. That he has had with the church regarding one specific day, the day of the rapture. Qu'il a eu avec l'Église concernant un jour spécifique, le jour de l'enlèvement. And we have looked at the wedding rings. Et nous avons regardé aux anneaux de noces. What message is hidden there for the church? Quel message est caché là pour l'Église? And a lot of revelation has come out of there. Et beaucoup de révélations sont sorties de là. And I've also looked at et j'ai aussi regardé à the fact that the wedding rings le fait que les anneaux de noces essentially culminate, they boil down to the Lord telling the church wear the glorious wedding gown. Essentiellement culminent, ils se concentrent pour que le Seigneur puisse dire à l'Église de revêtir la glorieuse robe de noces. The wedding's ready. Le mariage est prêt. I want to look at the second conversation viewers. Je voudrais regarder à la seconde conversation, auditeur. On the 26th of November, the year 2006. Le 26 novembre de l'année 2006. The Lord our God, our Father, the one and only one that knows. Le Seigneur Dieu, notre Père, le seul et le seul qui sait. When the rapture, the wedding of the Lamb of God. Quand l'enlèvement, les noces de l'agneau de Dieu. The wedding of Christ the Messiah will take place. Les noces de Christ le Messie prendront place. On the 26th of November, on that day. Le 26 novembre, à cette date. He comes to speak with me again about the same rapture of the church. Il est venu me parler du même enlèvement de l'Église. And what does he say? Et qu'est-ce qu'il a dit? Immediately, immédiatement, the Lord, he lifts me up above the earth, le Seigneur m'a élevé au-dessus de la terre. And I look at the earth, et j'ai regardé la terre. And I see what looked like an earthquake hit the earth. Et j'ai vu comme une sorte de tremblement de terre sur la terre. Because there was a lot of dust particles coming out of the surface of the earth. Parce que il y avait beaucoup de poussière qui s'élevait de la terre. And some soil movement. Et des mouvements du sol. Some particles coming out too. Des particules de sol qui sortaient. But then the voice of the Lord said. Mais quand la voix du Seigneur a dit. Look and see how many of them sleep under the dust of the earth. Regarde. Combien de personnes dorment sous la poussière de la terre sont pris lors de l'enlèvement de l'Église. Quand j'ai regardé, j'ai vu à l'intérieur de la poussière people in their glorious bodies, des gens dans leur corps glorieux. And I saw them being raptured from their graves and tombs. Et je les ai vus être enlevés de leurs fosses et de leurs tombes. And right from when they were raptured, the tombs were rupturing open. Juste depuis le moment où ils étaient enlevés, les tombes étaient comme éclatées ouvertes. And there was a lot of dust. Et il y avait beaucoup de poussière. But it was mixed with the glory of the Lord. Mélangé à la gloire du Seigneur. And then the more they went up, the more they went in the pure glory of the Lord, but they were wearing their glorious bodies. Et ensuite, plus ils entraient dans la pure gloire du Seigneur, mais ils se revêtaient de leur corps glorieux. And then I saw them caught up with the Lord. Et ensuite, je les ai vus se rencontrer avec le Seigneur. In the sky. Dans le ciel. And heaven opened and they were raptured into the kingdom of God into heaven. Et le ciel s'ouvrit et ils étaient enlevés dans le royaume de Dieu, dans les cieux. And then the voice of the Lord again said from my right hand side. Et la voix du Seigneur encore m'a dit de ma droite. And the majority et la majorité have remained sont restés under the dust of the earth. Sous la poussière de la terre. What is the revelation? What is the message the Lord is speaking to this church? Quelle est la révélation? Quel est le message que le Seigneur est en train de dire à cette église? In that mighty visitation. Dans cette puissante visitation. Again I say there is nothing the Lord will speak with you that you don't find in the Bible. Et ensuite je dis que il n'y a rien que le Seigneur ne dise sans que on le trouve dans la Bible. The book of Daniel chapter 12. Le livre de Daniel chapitre 12. This is the same conversation the Lord had with Daniel. C'est la même conversation que le Seigneur a eue avec Daniel. Daniel 12. Daniel 12. This is what the Lord says, verses 2 to 3. C'est ce que le Seigneur dit dans les versets 2 et 3. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Some to everlasting life. Les uns pour la vie éternelle. Others to shame and everlasting contempt. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verse 3. Le verset 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. And those who lead many into righteousness. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Like the stars forever and ever. Brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. You see very clearly here that what the Lord was showing me. Vous voyez clairement ici ce que le Seigneur m'a montré. Is essentially what he shared with Daniel, the prophet of the Lord. C'est essentiel ce qu'il partage avec Daniel, le prophète du Seigneur. Many, many years ago about the coming of the Lord in the rapture. Beaucoup, beaucoup d'années auparavant à propos de la venue du Seigneur dans l'enlèvement. And you see that now he comes to share with me because the time has arrived for it to take place. Et vous voyez que maintenant il vient pour partager avec moi parce que le temps est venu pour que ça prenne place. It is common knowledge. C'est une connaissance commune. It is obvious to all that are aspiring to be raptured. C'est évident pour chacun que tous espèrent être enlevés. That surely we are living the ultimate, the final days. Que certainement nous sommes en train de vivre les ultimes jours de la fin. The end time now. Et c'est la fin des temps maintenant. The rapture can take place at any time from now. Que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment dès maintenant. But what is the message he's giving to the church? Mais quel est le message qu'il donne à l'église? By presenting the rapturing of the dead. En présentant l'enlèvement de ceux qui sont morts. Number one. Numéro un. This is the first message he's giving. Voici le premier message qui est donné. The day of the rapture. Le jour de l'enlèvement is a historic day, a day that has never been seen. C'est un jour historique, un jour qui n'a jamais été vu on earth, sur la terre. No such a day has been seen on earth before. Il n'y a pas d'autres jours qui ont été vus sur terre avant. Because there will be physical evidence. Parce que il y aura une évidence physique. That the rapture has taken place. Que l'enlèvement a eu lieu. Because the tombs were rapturing open. Parce que les tombes ont été ouvertes. That means even the Muslims. Ça signifie que même les musulmans. The Hindus. Les hindous. The Buddhists. Les bouddhistes. The atheists. Les athées. All the other religions. Toutes les autres religions. They will be aware. Ils vont savoir. That the rapture of the church. Que l'enlèvement de l'église has taken place. Certainement a pris place. In other words, en d'autres mots, that's yet another day when the fulfillment of the Bible, c'est maintenant un autre jour où l'accomplissement de la Bible as the true living word of the living God, étant la vraie parole vivante du Dieu vivant will come to pass. Se sera passé. Because tombs will be open. Parce que les tombes seront ouvertes. People will be running. Les gens qui seront en train de courir to the police stations, à la station de police to report their loved ones who are missing. Pour rapporter que leurs bien-aimés ne sont plus là. Because tombs will be open. Parce que les tombes seront ouvertes. And people run to police stations to reporting centers that will be set up. Et les gens vont courir dans les stations de police et dans les centres de reportage et tout ça se sera relevé. To register the names of their loved ones that are missing with their descriptions. Pour enregistrer le nom de leurs bien-aimés qui manquent et ils donneront leur description. Newspapers will be full of missing people. Les journaux vont être remplis de personnes qui ont disparu. And then finally, someone will be able to reveal to them probably news. Et finalement, quelqu'un va être capable de leur révéler, probablement aux nouvelles, that what has happened was prophesied in the Bible. Que ce qui s'est passé était prophétisé dans la Bible. It is called the rapture of the church. Et ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. The Lord has come and he has taken his glorious bride. Le Seigneur est venu et a pris son épouse glorieuse. So the revelation is, alors la révélation est that on that day, que en ce jour the Bible, la Bible and the God of the Bible will be revealed to all mankind. Et que le Dieu de la Bible va être révélé à tout un chacun. The second one is that it's a historic day that has never been seen. En second, c'est que un jour historique qui n'a jamais été vu and will never be seen on earth. Et qui ne sera encore jamais encore vu sur terre. Listen to the third revelation. Écoutez pour la troisième révélation. That when that happens and confusion comes up. C'est que quand ça arrivera, la confusion va venir. People running to report their loved ones. Les gens qui courront pour faire le rapport à propos des leurs bien-aimés. People looking for their children, looking for their wives. Des gens qui cherchent leurs enfants, qui cherchent leurs femmes. Graves are open. Les tombes sont ouvertes. Some were raptured as they were, let's say, doing surgery. The doctor, he was raptured. Certains seront capturés, peut-être ça peut être un docteur qui est en train de faire une opération, qui sont enlevés. The patient died in the process. Le patient qui meurt dans ce procédé. He was a patient, he was raptured. Il était un patient et voilà, il est enlevé. He was a pilot of a plane, the plane crashed. Il était pilote sur un avion et voilà, l'avion s'écrase. Some presidents of nations will be raptured. Quelques présidents des nations seraient enlevés. So elections need to find somebody to take control. Les élections ont besoin de trouver quelqu'un pour prendre contrôle. Damage control. Le contrôle des dégâts. Stock markets will crash. Il va y avoir des crashs dans la bourse. That is the day. Ça c'est le jour. That will ripen the earth. C'est le jour qui va faire mûrir la terre for the emergence of the Antichrist. Pour l'émergence de l'Antichrist. There will be need for someone to emerge and take control of things. Il y aura un besoin que quelqu'un émerge pour prendre contrôle des choses. That's what the Bible says very clearly. Alors, la Bible le dit très clairement. In the book of 2 Thessalonians, hallelujah. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, alléluia. He says, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, concernant la venue de notre Seigneur Jésus Christ, and our being gathered to him, that's the rapture, we'll be gathered to him in the sky, et notre réunion avec lui dans le ciel. Ça c'est l'enlèvement, être réunis à lui dans le ciel. We ask you, brothers, not to become easily unsettled. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler or alarmed by some prophecy, ou alarmé par quelque prophétie, report or letter, soit par une parole ou par une lettre, supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. He's saying there will be a lot of deceit during the time. Il dit qu'il y aura beaucoup de déceptions pendant ce temps. And he's talking about lies that will come up during the time. Il parle à propos de mensonges qui vont émerger pendant ce temps. He said, "Don't let anyone deceive you in any way." Il dit, ne laissez personne vous décevoir de toute manière. For the day will not come until the rebellion has occurred. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. And the man of the lawlessness, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, is revealed. Le fils de la perdition. What is the rebellion he's talking about? De quelle rébellion est-il en train de parler? The rebellion is the apostasy of faith. La rébellion, c'est l'apostasie de la foi. L'apostasie de la foi. That means people rebel away from the ways of God. Ça signifie que des gens vont se rebeller et se partir loin de Dieu. That is the genesis of the rebellion. Ça, c'est le début de la rébellion. Listen to me very carefully here. Écoutez-moi très attentivement ici. The falling away from true faith in Christ Jesus. Le départ, l'éloignement de la vraie foi en Jésus-Christ. That's what you see in 2 Timothy chapter 3. C'est ce que vous voyez dans 2 Timothée chapitre 3. Love as of pleasure. Aimons le plaisir. Love as of showbiz. Aimons les amusements. Modern Christians drinking beer. Des chrétiens modernes buvant de la bière. Modern Christians going to movie theaters. Des chrétiens modernes qui vont voir au cinéma, au théâtre. And watching movies. Et regardant des films. That have sexual sin. Qui ont des péchés sexuels. That have a lot of violence. Qui ont beaucoup de violence. Alcoholism, lies and all these things. L'alcoolisme, les mensonges et toutes ces choses. Christians compromising in their walk with Christ. Des chrétiens se compromettant avec leur marche avec Christ. Entertainment in church. Et les divertissements dans l'église. When you have worship or praise service. Quand vous avez moment de louange ou d'adoration. Dancing in the flesh. Ils dansent dans la chair. Absolutely no holiness in the church. Absolument pas de sainteté dans l'église. That is the rebellion he's talking about here. Ça, c'est la rébellion dont il parle ici. He said, the man of the lawlessness, le fils de la perdition, will not be revealed, ne sera pas révélé, until the rebellion has occurred, jusqu'à ce que la rébellion ait pris place, in the house of the Lord, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. The movies that are defiling the name of the Lord. Les films qui souille le nom du Seigneur. That's the rebellion. Ça, c'est la rébellion. The preaching of the gospel prosperity. La prédication de la prospérité. Lacking in holiness. Manquant de sainteté. Which is sitting at the center of the heart of Christ. Qui est assise au centre du cœur de Christ. Holiness. La sainteté. Which is actually the wedding gown. Qui est en fait la robe de noces. We've just seen it. On vient de le voir. That is the rebellion he's talking about. Ça, c'est de la rébellion dont on parle. And he says, the man of the lawlessness will not be revealed. Le fils de la perdition ne sera pas révélé. Until the rebellion takes place. Jusqu'à que la rébellion prenne place. Alléluia. Alléluia. And he continues by saying, et il continue en disant, do not let anyone deceive you. Que personne ne vous séduise. For the day will not come until the rebellion has occurred. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. And the man of the lawlessness, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, is revealed. Il est révélé. I'm talking about the historic nature of the day of the rapture. Je suis en train de parler de la nature historique du jour de l'enlèvement. And the fact that it will ripen. Et le fait que ça mûrira. That day will ripen the earth. Ce jour va mûrir la terre. For the emergence of the Antichrist. Pour l'émergence de l'Antichrist. The crash in the stock markets. Le crash de la bourse. The need for someone to control security, global security. Le besoin que quelqu'un soit au contrôle pour la sécurité. The arsenals. Les dépôts d'armes. The need for someone to control the banking systems. On a besoin de quelqu'un qui contrôle le système bancaire. Because the good people have been taken away to the rapture. Parce que le peuple qui est bon a été pris dans l'enlèvement. They need for someone to control traffic. Ils ont besoin de quelqu'un qui contrôle le trafic. Many people have been taken up from their cars in a big traffic jam in New York City. Plusieurs personnes ont été enlevées dans leur voiture dans un grand embouteillage à New York. London, Paris, name it, Johannesburg. Londres, Paris, on peut les nommer Johannesburg. They need to tow away hundreds of thousands of cars to clear traffic. Ils ont besoin de remorquer des centaines et des milliers de voitures pour rendre le trafic plus clair. Confusion. La confusion. Elections in different countries if the president has been taken in the rapture. Alors des élections dans différentes contrées parce que les présidents auront été pris. Confusion. La confusion. The need for a global leader. Ils ont besoin d'un leader global. And he says, the man doomed to destruction. Et il dit, le fils de la perdition. He will oppose and he will exalt himself over everything that is called God. That is now the height of rebellion. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ça, c'est le sommet de la rébellion. When you enter into the tribulation. Quand vous entrez dans la tribulation. You see that? After the rapture. Vous voyez ça après l'enlèvement. And he says, he will oppose and exalt himself over everything that's called God. Et il dit qu'il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Or his worship. Ou de ce qu'on adore. So that he sets himself up in God's temple. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Proclaiming himself to be God. But listen to this. Se proclamant lui-même Dieu. Mais écoutez ça. Don't you remember? Est-ce que vous vous souvenez? That when I was with you, I used to tell you all about these things. Que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. And now you know what is holding him back so that he may be revealed at the proper time. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. For the secret power of lawlessness is already at work. The movies like Da Vinci Code. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Des films comme Da Vinci Code. The Antichrist nature things going on. La nature de l'Antichrist, ces choses sont en train d'arriver. The spirit of Antichrist already even in the church. L'esprit de l'Antichrist est déjà même dans l'église. Some people are saying, no, he's not coming soon. Il y a des gens qui disent, mais non, il vient pas bientôt. Misleading the sheep. Détournant les brebis. Some people are, no, there's so much grace you can go and sin. Disant, mais non, la grâce est tellement grande, vous pouvez encore pécher. And come back and return to sin. Et revenez, et retournez pécher. There's so much grace. Et la grâce est si grande. Misleading when Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 says you cannot. Détournant quand Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6 dit vous ne pouvez pas. Hebrews chapter 10 verse 26 to 31 says you cannot. Hébreux chapitre 10 verset 20 dit jusqu'à 31 dit vous ne pouvez pas. 2 Peter chapter 2 verses 19 to 22 says you cannot. 2 Pierre chapitre 2 verset 19 à 22 dit vous ne pouvez pas. So the spirit of Antichrist is already operating. Bibles are being removed from schools. Alors l'esprit de l'Antichrist est déjà en train d'opérer. Les Bibles sont retirées des écoles. Children are not being allowed to pray in the name of Jesus. Des enfants ne sont pas autorisés à prier au nom de Jésus. In some countries, you are not even allowed to preach to have big crusades. Dans certaines contrées, nous ne sommes pas autorisés à prêcher, à avoir de grandes croisades. Even preaching Christ. Même prêcher Christ. That spirit is already in operation, like Paul says here. Cet esprit est déjà en train d'agir comme Paul le dit. For the secret power of lawlessness is already at work. car le mystère de l'iniquité agit déjà. But the one who now holds it back will continue to hold it back until he is taken away from you. Mais celui qui le retient continuera à le faire jusqu'à ce qu'il soit enlevé de parmi vous. And that is the Holy Spirit. That's what I'm talking about here. Et ça, c'est le Saint-Esprit dont je suis en train de parler ici. It is he, the Holy Spirit. C'est lui, le Saint-Esprit. That is holding the Antichrist right now. Qui retient l'Antichrist juste maintenant. But on the day of the rapture, mais au jour de l'enlèvement, the church will have been taken away, l'Église va être enlevée, the church being the light of the world, l'Église qui a été la lumière du monde, thereby plunging the world into darkness, de ce fait plongeant le monde dans les ténèbres, instant darkness, des ténèbres soudaines. And the Holy Spirit that is holding the Antichrist back will have been taken away. Et le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist va disparaître. Thereby releasing the Antichrist to emerge and darkness cover the earth. De ce fait, libérant l'Antichrist qui peut émerger et les ténèbres couvrent la terre. That's why I'm saying that is the day. C'est pourquoi je suis en train de dire c'est le jour when there will be the emergence of the Antichrist. Où ça va être l'émergence de l'Antichrist. I'm talking about the deep revelation. Je suis en train de parler de la profonde révélation that the Lord is giving to the church. Que le Seigneur est en train de donner à l'Église. By talking to me and showing me. En me parlant et en me montrant. The rapture of the dead from the graves. L'enlèvement des morts de leur tombe. And the book of Daniel, chapter 12, what else does he say there? Et dans le livre de Daniel, chapitre 12, qu'est-ce qu'il est dit ici? He said, those who are wise will shine like the heavens. Ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur du ciel. And those who lead many into righteousness. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Like the stars forever and ever. Brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. What is the revelation there to the church? Quelle est la révélation ici à l'Église? By the Lord showing me the rapture of the dead. Quand le Seigneur m'a montré l'enlèvement des décédés. In other words, he's telling the church, en d'autres mots, il dit à l'Église, listen to me, church, écoute-moi, Église. On the day of the rapture, after the rapture, le jour de l'enlèvement, après l'enlèvement, the raptured church must present herself, l'Église enlevée doit se présenter elle-même before the judgment seat of Christ, devant le siège de jugement de Christ. Do you hear me, somebody? Vous m'entendez? Because he says, those who are wise like the heavens, those who lead many into righteousness. Parce qu'il est dit, ceux qui sont sages comme le ciel, ceux qui ont conduit beaucoup à la justice, like the stars forever and ever, comme les étoiles pour toujours et toujours. That talks about the proximity of your fellowship with the glorious Jesus. Ça parle de la proximité de votre communion avec le glorieux Jésus-Christ. So you shine like a star forever and ever. Alors vous brillez comme une étoile pour toujours et toujours. That means he's telling the church, ça signifie qu'il est en train de dire à l'Église, this is the time to harvest souls. C'est le temps de récolter des âmes for the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. That is the revelation. Ça, c'est la révélation. And I'm asking you today, et je suis en train de vous demander aujourd'hui, how many of you servants of God or Christians, combien d'entre vous, serviteurs de Dieu ou chrétiens, or churches, ou églises, have led many people into the righteousness of the Lord, ont conduit beaucoup de gens à la justice de Dieu? Some churches and servants of God, quelques églises et serviteurs de Dieu, have led many people into darkness, ont conduit beaucoup de gens dans les ténèbres. When the world looks at how the church lives before the Lord, quand le monde regarde comment l'Église vit devant le Seigneur. They say, if that is Christianity, I don't want it. Non, c'est un christianisme que je ne désire pas. Let me be as I am. Laissez-moi être comme je suis. Alléluia, this is the moment to be sober. Alléluia, c'est le moment d'être sobre. This is the moment for the church to wake up. C'est le moment pour l'Église de se réveiller. How many of our dressings? Combien de nos habillements? In church, even women. Dans l'Église, même les femmes. Or immorality. Ou immoralité. Or the conduct of the church. Ou la gestion de l'Église. Or the image the church has presented. Ou l'image que l'Église présente. How much of it has led people away from Christ? Combien de cela a détourné des gens de Christ? And yet he is telling us that the revelation. Et maintenant, il nous dit que la révélation. In this vision. Dans cette vision. Is that the church needs to start harvesting souls. Que l'Église a besoin de commencer à récolter des âmes. So she may shine and be like stars forever and ever. Pour qu'elle puisse briller et être comme des étoiles pour toujours et toujours. Do you see the revelation to the church? Vous voyez la révélation pour l'Église? What a tremendous revelation. Quelle puissante révélation. In other words, he's telling the church, en d'autres mots, il est dit à l'Église, this is the time to evangelize Christ. C'est le temps d'évangéliser en parlant de Christ. The risen Christ. Le Christ ressuscité. The Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. This is the time to evangelize him. C'est le moment d'évangéliser à propos de lui. The more souls you harvest, the more reward. The book of Revelation, as I talk about that. Plus vous récoltez d'âmes, plus vous avez de récompenses. Le livre de l'Apocalypse, comme j'ai parlé à propos de ça. Revelation chapter 22, that's the last chapter in Revelation, by the way. Apocalypse chapitre 22, qui est le dernier chapitre de la Bible à propos. Verse 12, he says, le verset 12, il dit, behold, I am coming soon. Voici, je viens bientôt. My reward is with me. Ma rétribution est avec moi. And I will give to everyone. Pour rendre à chacun. According to what he has done. Selon son œuvre. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. The beginning and the end. Le commencement et la fin. He's talking about the judgment seat of Christ. Il parle à propos du trône du jugement de Christ. So the revelation that the Lord is giving the church is that. Alors la révélation que le Seigneur est en train de donner à l'Église est que. It is not enough to enter into the kingdom of God. Ça n'est pas assez de seulement entrer dans le royaume de Dieu. You want to make sure you shine like a star forever and ever. Vous avez à être sûr que vous allez briller comme des étoiles pour toujours et toujours. On the day of the rapture, au jour de l'enlèvement, the church after being raptured, she has to present herself. L'Église qui a été enlevée, elle a à se présenter elle-même before the judgment seat of Christ. Devant le trône de jugement de Christ. Because he says, behold, I come, my reward is in my hand. Parce qu'il dit, voici, je viens, ma récompense est dans ma main. I'll give each one according to what they have done. Je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. And that's why Daniel saw it here and said, c'est pourquoi Daniel a vu ça ici et a dit, those who have led men into righteousness, qui ont conduit beaucoup à la justice. If you are pastor, ask yourself, si vous êtes un pasteur, demandez-vous vous-même, have you led men into the righteousness of the Lord? Est-ce que vous avez conduit beaucoup à la justice du Seigneur? Or you have preached prosperity, ou bien est-ce que vous avez prêché la prospérité? Lacking in holiness. Manquant la sainteté. Have you led men into the fear of the Lord? Avez-vous conduit beaucoup à la crainte du Seigneur? That causes them to go into holiness. Ça les conduit la sainteté. for the Lord? Pour le Seigneur. Or you have compromised holiness? Ou bien est-ce que vous avez compromis la sainteté? For the sake of the size of the church. Dans le souci d'élargir l'église. And for the sake of the money that you receive from the multitudes that come to the church. Par souci de recevoir de l'argent de la multitude qui vient à l'église.